Chaque jour en France, il y a environ 12 tués sur les routes. Réponse A. 24 tués sur les routes. Réponse B. Pour les jeunes, la route est la première cause de mortalité. Réponse C. La deuxième cause de mortalité. Réponse D.